vous écris cette lettre. J'ai le mal de vivre. Le stylo ne tremble pas, je suis sereine, sûrement un peu ivre. Et comme un livre ouvert, je m'apprête à exposer ma vie. Cette bouteille de scotch me servira de leitmotiv. J'ai 24 ans, je m'appelle Caroline. Petite pute pour les intimes, une fille de plus frôlant chaque soir l'abîme. Chaque soir mon corps s'anime pendant que mon âme pleure. Je n'éprouve plus de peur, seul le mal s'annonce comme légitime. La question n'est plus de savoir si je suis victime ou volontaire, mais si les hommes qui viennent me voir sont vus comme de bons pères. Car la violence opère dans ces hôtels qui sentent l'urine, où les maris se ruinent pendant que leurs femmes gèrent la routine. J'aimerais que la route tourne, mais les personnes de mon espèce sont embourbées dans la gerbe qu'évacue votre ivresse. Pour seule adresse, ce trottoir qui pue la pisse ou ce joli bois. Pour ces tarés qui se disent écologistes, hein, en fait j'suis fatigué. La vie me semble trop dure pour quelqu'un qui n'a rien demandé. Déjà petite au foyer, haute comme trois pommes sur mon volet. Pas de famille qui m'en voulait, trop fier pour qu'émander. La seule chose que l'on m'en dit avec ma bande d'enfants perdus, c'est un amour sincère dans vos yeux et qu'il perdure. Au lieu de ça, on m'envoya dans une maison de redressement où tous les gosses attendent encore que le vice leur rende leur espoir. Car les beaux rêves n'ont pas peur du noir, mais des pleurs d'ados qui n'ont rien d'illusoire. Isolement notoire dans cette prison, quelques soirs, la tendresse s'invitera sous forme de gardien de couloir. Espèce d'enculé, jamais je n'oublierai, je regrette de ne pas t'avoir buté. Je regrette de ne pas t'avoir buté. Il a ruiné ma vie, je n'étais qu'une proie comme ces gamines, livrées à elles-mêmes dans cette farce où le silence domine. Et c'est parce que j'ai grandi dans la démence qu'à 14 ans mon regard a des visages et l'innocence. Envisage et l'insouciance tarifée à la sortie de cet enfer, car tout à faire et rien à sacrifier. Fier, j'ai parcouru le macadam décontracté, des shoots de cam dans l'avant-bras pour mieux déconnecter. Une dépendance qui prit ses aises comme cet amour pour ce lascar qui chaque soir me fournira en dope et en caviar. C'était trop tard. Je l'ai compris à sa première menace et à ses claques pour préparer ma première passe. Un Mac déguisé en receleur de rêve, encore aujourd'hui il me protège de ces violeurs de règles. Mais pas des fous qui traînent avec leurs souhaits décomplexés. L'étreinte se veut complexe quand l'homme est désaxé. Tout accepté, même les demandes déconcertantes. Le client demeure le roi, il veut se détendre, donc sois compatissante. Tels sont les mots de ce connard qui loue des fesses. Marchandise qui dans les faits subit des mots qui ne seront jamais des faits. Des hommes d'affaires aussi vicieux qu'il n'est élégant. En passant par ces petites gens qui ne touchent plus leur épouse depuis 10 ans. Chacun obtient de l'attention, mais qui s'occupe de moi, je ne suis qu'un miroir devant lequel l'être humain se dévoile. Plus de force, alors je me fous à poil au figuré. Et par cette lettre, je me libère, je n'ai qu'un seul regret. Ma fille ne m'en veut pas, maman t'a toujours aimé.